Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec. Le bec et le bec et le bec, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et le nez, alouette. Je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et les yeux, et les yeux. Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou. Le cou et le cou, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai les ailes, je te plumerai les ailes, je te plumerai les ailes, je te plumerai les ailes. Et la queue, alouette, alouette, ah.